Scène 3. La scène représente la province de Livonie, couverte de neige. Les Hups et leur suite en fuite. Ah, ah, je crois qu'ils ont renoncé à nous attraper. Oui, Bougrela est allé se faire couronner. Mais je ne la lui envie pas, sa couronne. T'as bien raison, Père Ubu. Ils disparaissent dans le lointain.